et c'est Pierre Mikhailov qui va nous introduire la prochaine chanson. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Je voudrais te dire que je me fous de tout ça. Si tu veux pas m'écrire, eh bien